France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Qu'est-ce que le cinéma quand on est aveugle? Qu'est-ce que voir un film quand on est privé de la vue? Que voit le non-voyant au cinéma? Dans un entretien passionnant avec Serge Danet, Odile Conversé nous décrit avec une grande finesse cette expérience. Je ne perçois pas tout dans un film, mais qui perçoit tout dans un film? Ce professeur de musique, aveugle de naissance et cinéphile assidu voyant 3 films par semaine, nous affirme que voir un film, c'est avant tout le vivre et que c'est un moment pleinement physique. Avec une grande précision, Odile Conversé raconte son histoire de spectatrice de films à qui le cinéma n'a pas été donné. Elle a dû le conquérir millimètre par millimètre avant qu'il ne devienne une véritable passion. Passion dont elle dit que c'est le film qui lui a appris le cinéma. Si Godard travaille à ce que l'on voit le son, nous dit-elle, Bresson est quelqu'un qui permet d'entendre l'image. Microfilm. Microfilm, bonsoir. Une émission très particulière aujourd'hui. Assez exceptionnelle en un sens, et puis assez logique, j'espère, avec ce qui s'est dit ici depuis pas mal de temps. Ça concerne le cinéma, ça concerne tout le cinéma. Ça concerne le fait que le cinéma, c'est des images et des sons. Alors, on a pas mal parlé de sons, souvent, mais jamais du cinéma à partir du son. Alors, on peut se dire, on pourrait demander à un aveugle de parler de cinéma. Après tout, le cinéma, c'est de la durée. La durée, c'est la condition nécessaire et suffisante pour qu'il y ait du son, pour que le son se répercute à l'intérieur d'un corps humain, pour qu'il y ait de l'émotion. Et ça a l'air d'un gag. Et puis, un jour, on va, ce qui a été le cas pour moi, à Valence, pas très longtemps, festival très intéressant d'ailleurs, sur la télévision, sur les médias. Et puis, on dit, il y a ici quelqu'un de très intéressant, une dame qui vient de Paris, qui est aveugle, et qui suit tout, tous les films, qui voit tout, qui intervient dans les débats, et qui est passionnante dans ce qu'elle dit, et qui prouve, donc, effectivement, il est possible de entendre les films, ou d'imaginer ce qu'on peut voir à partir de ce qu'on entend. Donc ça a l'air d'être un gag, à la fois grave et un peu étonnant, et puis cette dame existe, je lui dis, vous ne voudriez pas venir parler de tout ça à la radio, elle dit d'accord, et voilà, elle est là, elle s'appelle Odile Conversé, elle est en face de moi, et elle enseigne la musique, quelque part à Paris. Donc bonjour Odile Conversé, et merci d'être venue. Bonjour. Je pense qu'on va simplement approfondir un petit peu toutes ces histoires du son par rapport à l'image, mais on ne peut pas le faire avant que vous n'ayez dit comment vous avez été amené à aller au cinéma, à voir des films, comme vous dites, sans aucune espèce de peur. D'abord, vous êtes aveugle de naissance. Oui. Oui, oui. Je crois que j'ai commencé à aller au cinéma finalement très tard. D'abord, tout simplement parce que je n'avais pas les moyens d'y aller plus tôt. Les moyens financiers, j'entends. Donc, j'ai commencé à aller au cinéma, en gros, quand j'ai commencé à travailler. Et là, bon, au tout début, je me suis rendu compte que il y avait la bande son, Bon, c'est ce que j'entendais. Et puis il se passait pas grand chose parce que quand il y avait plus de son, il se passait plus rien. Et il y avait des tas de blancs, des tas de choses incompréhensibles. Alors bon, je ne suis pas allée au cinéma très souvent à cette époque-là. Et puis un jour, quelques années plus tard, il y a eu Pierrot le Fou. Je m'étais dit, il va falloir aller voir un film de Godard, parce que tout le monde parle de Godard, tout le monde dit Alors, ça dépend qui. Il y avait des gens qui disaient que c'était très difficile, il y avait des gens qui disaient que c'était ennuyeux, bon. Moi, je suis ressortie de là en me disant, mon Dieu, mais je ne comprends strictement rien à ce qui s'est passé dans ce film. Bon, j'ai admis, difficilement d'ailleurs, parce qu'on n'aime pas toujours admettre ses limites. Et puis, c'est tout. Et puis, quelques temps après, je suis allée voir Alphaville. Et puis Le Mépris. Et Le Mépris, ça a été le début de la découverte, peut-être le début de l'émerveillement. Puis quelques temps ont passé, j'ai commencé à aller au cinéma un tout petit peu plus souvent, à peu près, je sais pas, une fois par semaine. Et puis, il y a eu Sauf qui peut, et à nouveau la déroute. Je comprenais plus rien. Et enfin est venue passion. Et bon, moi je vais au cinéma par passion et ce film marque une étape dans ma vie, une étape fondamentale. Je crois que c'est le film qui m'a appris le cinéma, entre autres. Et là, quand je suis ressortie de ce film, je me suis dit, mais ça y est, j'ai compris, j'ai vu quand est-ce qu'il y avait des décalages entre l'image et le son. Bon, là, ça y est, il s'est passé quelque chose. Je crois que passion, ça a été le début de l'apprentissage. Un apprentissage long, un apprentissage difficile, mais un apprentissage tout de même. Alors, je suppose que vous aviez un rapport assez fort à la musique, parce que vous l'enseignez aujourd'hui. En quoi ça vous aidait, ou ça ne vous aidait pas, le fait d'avoir une culture musicale? Oh là là, ça m'aidait pas du tout, du tout. Ça ne m'aidait pas parce que dans la plupart des films, la musique est complètement pléonastique. Elle est sans arrêt paraphrasante. Bon, il y a sans arrêt une musique très triste quand il va y avoir quelque chose de dramatique, une musique angoissante quand il va y avoir un meurtre. Enfin bon, c'est terrible, c'est redoutable. Au début, je me disais, ah ben, ça m'aide finalement quand je ne me servais que de la bande son. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça ne m'aidait pas du tout, du tout. Parce que par exemple, si on prend les westerns, bon, la musique, elle est en général interminable. Elle n'arrête pas, elle souligne tous les effets. Est-ce que ça vous donnait une idée de l'histoire, à mon avis la musique donnait une idée de l'histoire, de la dramaturgie, et aussi un peu une idée de l'image, qu'après tout, des histoires de gardiens de vaches dans l'Ouest qui se tirent dessus au revolver. Eh oui, mais le drame, c'est ça me donnait bien sûr tout ça, mais le drame, c'est que je me disais, mais alors finalement... Ils mettent toujours la même chose, donc ils mettent toujours les mêmes images, donc on n'en sort plus. Donc finalement, ça ne m'intéressait pas tellement. Mmh. Donc il vous a fallu attendre en un sens que le cinéma s'attaque réellement au son pour que vous rentriez dans le cinéma. Tout à fait. Tout à fait. Mais s'attaque au son, pas uniquement au son. C'est-à-dire que bon, moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma, ça n'est pas strictement et uniquement le son. C'est le rapport image-son, et ça, c'est vrai que, bon, on y reviendra sûrement, mais c'est Godard qui me l'a appris. En général, donc, les gens qui voyaient les films de Godard au début disaient, il y a un décalage entre l'image et le son, mais c'était toujours le son qui était en décalage pour eux, c'est-à-dire que l'image était première. Vous êtes dans une position telle que vous avez pensé que l'image était en décalage par rapport au son. Donc comment on se repère dans les films de Godard quand c'est l'image qui est en décalage, puisque c'est le son qui est premier? Alors ça, c'est très difficile à vous dire. Bon, il faudrait peut-être en venir à comment je vois un film. Oui. Ça serait voilà. Peut-être comment plus concrètement plus vous voyez un film. Bon, ben, je crois que j'ai développé un certain nombre de facteurs qui m'aident, enfin d'éléments qui m'aident à voir les films. Bon, moi, je vois les films comme je vis, de la manière dont je vis. Et c'est pour ça que les films urgent m'intéresse. C'est parce que je crois que je vis en état d'urgence. Bon, je sais pas, quand je traverse une rue, je dois faire attention, parce que si je ne fais pas attention, je me fais écraser par la première voiture venue. Si je ne fais pas attention à ce qu'il y a sur mon chemin, je me paye le premier arbre venu, et bon. Donc, je crois que je vois les films de cette manière-là. C'est-à-dire en me servant de tout. En me servant des muscles du visage, en me servant de tout le corps. Je crois qu'un film, ça se voit en le vivant. On le vit, un film, on le voit pas et on l'entend pas seulement. C'est pour ça d'ailleurs que ce sont les films où une attitude active est demandée au spectateur qui m'intéresse. Les autres, bon, ne m'intéressent plus du tout. Mmh. C'est-à-dire que dans votre vie normale, il y a évidemment des risques, il faut faire attention, il faut être extrêmement conscient et lucide. Et quand vous rentrez dans une salle de cinéma, en un sens, ça continue. Oui. Sauf que là, c'est un petit peu plus loin de vous. Vous êtes quand même protégé par le siège. Je me sens pas si protégée que ça, parce que pour moi, le cinéma, c'est quelque chose qui ne m'a jamais été donné naturellement. Le cinéma, j'ai l'impression que j'ai dû le mériter. Je l'ai gagné centimètre par centimètre. Même plus, millimètre par millimètre. Bon, pour que je comprenne un film, il faut que je sois d'abord dans un état d'éveil et de conscience profonde, de lucidité et d'activité profonde. Je ne peux pas me permettre d'être passive par rapport à un film. Parce qu'autrement, je ne comprends rien du tout. Et est-ce qu'il y a, par exemple, dans un film, des choses qui sont comparables au risque d'une voiture ou d'un arbre? Ça dépend de quoi traite ce film. Je pense que dans les films de Godard, il y a toujours ça. Il y a toujours ça chez Godard, évidemment. Oui, bien sûr, puisque c'est un cinéaste qui filme, je crois, en état d'urgence. Je le crois. Et d'autres cinéastes, alors? C'est curieux, mais d'une autre manière, peut-être chez Bresson. Chez Rivette, parfois. Souvent même. Bon, disons que c'est les trois qui me viennent à l'esprit pour l'instant. Quand vous rentrez dans un film de Bresson, c'est quoi la différence avec Godard ? Oh là là. Parce qu'ils viennent. Moi, je dirais presque l'autre. Que c'est le contraire. C'est le contraire, et pourtant c'est complètement complémentaire. Oui. Vous disiez, je crois, un jour que Godard, c'est un cinéaste qui travaille pour qu'on puisse voir le son. Ben, je sais pas. Peut-être qu'on pourrait dire que Bresson, c'est quelqu'un qui permet d'entendre l'image. Mmh. C'est la façon miniaturiste avec laquelle il travaille. Enfin, miniaturiste, je sais pas si c'est le mot adéquat, mais elle permet d'entendre son image parce que c'est... Il n'y a rien de trop. Jamais. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas de musique et qu'on passe d'un plan à un autre, est-ce que vous sentez le changement de plan ? Parfois, pas toujours. Alors bon, soyons clairs, je ne veux pas dire que je perçois tout dans un film. Mais qui perçoit tout dans un film, finalement ? Ah, personne. Personne. Donc finalement, je ne pense pas être tellement différente des trois quarts du public. De toute façon, je vais au cinéma les trois quarts du temps toute seule, de manière à ne pas me faire influencer. Mmh. Mais ça aussi, c'est un risque. Hein. Je veux dire, les risques, ils sont à tous les niveaux. Ils sont aussi quand vous faites la queue devant un cinéma, qu'on vous dise, mais enfin, ici, c'est une salle de cinéma. Mmh. Tout à l'heure, vous me disiez que il y avait des ouvreuses qui vous avaient quasiment apostrophé récemment. Oui, oui, c'était lors d'une énième vision de À bout de souffle, où on m'a dit... on m'a presque demandé qu'est-ce que je venais faire là toute seule. J'ai répondu qu'il faudrait s'y faire. Bon, c'est vrai que finalement, il faut faire attention de ne pas être agressif, parce que c'est très difficile de rester très calme face à ce genre d'attaque. Mmh. Parce que pour moi, le cinéma, encore une fois, ça n'est pas gagné. C'est quelque chose que je mérite tous les jours. Alors bon, je ne voudrais pas connoter ça trop moralement, hein, quand même. Quand je dis que je mérite, ça veut dire que j'ai besoin de le domestiquer sans arrêt. Il ne se laisse pas faire. Mais je ne me laisse pas faire non plus. Comment vous sentez, comment vous interprétez la présence des autres spectateurs, soit à côté de vous, soit dans la salle ? Pour moi, la salle, c'est encore resté quelque chose de magique. Peut-être parce que je suis allée au cinéma très tard, mais entrer dans une salle de cinéma, c'est toute une aventure. C'est quelque chose qui me pince encore le cœur. Et je suis toujours très très émue quand je rentre dans une salle de cinéma. Mais je me dis aussi que il ne faut pas que ça interfère dans la manière dont je vais ressentir le film. Alors, la présence, je la sens, ça dépend. Je veux dire, ça dépend dans quel type de salle je vais. À Valence, par exemple, je percevais les autres comme étant des aides très précieuses parce qu'ils étaient très silencieux. Ou en tout cas, leur réaction était des réactions qui avaient à voir avec le film. Bon, parfois, la présence des spectateurs peut être gênante. Ça m'est un petit peu égal, finalement. Finalement, je crois que je pourrais regarder un film dans une salle vide. Le fait d'être dans une salle de cinéma serait tellement magique en soi que ça marcherait quand même. Mmh. Est-ce que vous écoutez la radio ? Oui. Parce que, par exemple, il y a quelqu'un qui a fait du cinéma, mais peut-être que fondamentalement, c'est de la radio avec un peu de lumière. C'est Marguerite Duras. Ça vous a intéressé, ce qu'elle a fait ? Oui, ça m'a intéressé, pas toujours. Ça m'a intéressé dans India Song, que j'ai vu un grand, grand nombre de fois. Ça m'avait beaucoup, beaucoup moins intéressé dans Les Enfants, je crois. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Beaucoup moins. Mais peut-être parce qu'il y avait... Enfin, ça devenait systématique. Presque dogmatique, mais d'une manière... D'une manière qui me gênait. Mais ça m'a passionné dans India Song. Mmh. Mais je pense que ça m'a passionné dans India Song parce qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait toute une magie, je pense. Parce qu'India Song est un film très particulier qui a été vu, mais enfin pas extraordinairement par beaucoup de gens, même si c'est le film de Duras qui a été le plus vu, et qui est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas fait pour, disons, quelqu'un qui est devant son poste de télévision, mais qui est fait pour une salle à moitié vide. Comme si Duras avait enregistré le fait que la salle était toujours importante, même si elle était à moitié vide. Oui. Et que c'était l'état du cinéma, et qu'elle voulait photographier cet état-là. Mais là aussi, c'est peut-être intéressant parce qu'il y avait, urgence à diagnostiquer ça, enfin à le poser comme, comme réel, cet état du cinéma. Et est-ce qu'à partir de ce que vous sentez du cinéma, à partir du son, vous avez des intuitions sur ce qui est urgent, non pas seulement pour vous, ça vous l'avez dit, mais de manière générale, pour les gens? Je crois que oui. Je crois que oui, parce qu'encore une fois, vu que je me sers, vu que j'essaye de vivre le film avec tout mon corps, je pense que j'ai l'intuition de ce qui peut frapper les autres. En tout cas, ce que je sais, c'est que chaque fois que je discute avec quelqu'un d'un film après l'avoir vu, je me rends compte que, malgré tout, même si on n'a pas les mêmes points de vue, on a vu le même film. Peut-être pas au même niveau, mais on a vu le même film. Et donc, cette chose qui vous échappe, donc qui est quand même l'image dans son chatoiement un peu séduisant, est-ce que vous avez décidé que ça ne valait pas le coup de la regretter ou même de la reconstituer en tant que telle, et que c'était plus intéressant de la deviner mais à travers le son qui lui est une chose concrète pour vous? Non, certes pas. Moi, j'ai très envie de... J'ai très envie de deviner, mais j'ai très envie aussi de regretter, bien sûr. Mais je pense que cette image, elle ne m'est pas donnée en entier, c'est évident, mais elle est quand même perceptible. Mais j'ai très envie de la regretter. Moi, j'ai très envie qu'on me fasse de l'analyse filmique, même si ça ne se fait plus, tant pis. Et j'ai très envie de passer des heures et des heures à savoir ce qu'il y a comme image sur tel son. C'est fondamental. Non, je ne veux pas apparaître comme trop marginal. D'ailleurs, en plus, je pense que je ne le suis pas. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont dans la même situation que vous? Non. Il y en a sûrement, mais je ne les connais pas. Et comment vous expliquez ça? je ne sais pas. En tout cas, je ne les rencontre pas dans les salles de cinéma. Et pourtant, je vais au cinéma environ 3 fois par semaine. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a... Il y a quand même toute une éducation qui a été faite pour nous expliquer que quand on ne voyait pas, on ne voyait pas. Et puis, point. Et puis qu'on n'avait pas à s'occuper de ce que les autres voyaient et de ce qu'il y avait à voir. Bon, je veux dire, ça, on le trouve aussi, vous trouvez cette résistance aussi dans la vie. Je la trouve au travail, hein. Je la trouve partout. Je la trouve d'ailleurs plus, beaucoup plus, avec les adultes qu'avec les enfants. Mais donc, bon, je pense qu'on a dit aux gens, enfin aux gens qui ne voyaient pas, on leur a dit, bon, écoutez, c'est pas pour vous. Une exposition de peinture, c'est pas pour vous. Un film, ce n'est pas pour vous. Et les gens, la plupart des gens y ont cru. Parce que bon, ben, c'est comme quand vous dites quelque chose à l'ensemble des Français, bon, ben, vous avez toujours une espèce de majorité qui y croit. Et moi, je n'y ai pas cru. Je n'ai pas joué le jeu. Je me suis dit, non, il faut dépasser ça. Alors... Bon, dans un premier temps, ça a été « Ah oui, il faut vaincre des limites ». Bon, maintenant, j'en ai strictement plus rien à faire de vaincre des limites, enfin de dépasser des limites. Ce que je veux, c'est voir des films parce que c'est ma passion. Et que la passion, bon, ben, c'est quelque chose qui fait vivre. C'est aussi parfois quelque chose qui fait souffrir, c'est contenu dans le mot. Mais il n'y a que ça qui m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas du tout de choquer des gens en leur disant que je vais voir des films. Mais je comprends pourquoi je rencontre très peu de gens qui ne voient pas dans les salles de cinéma. Puisqu'on parle de passion, donc vous avez tout à l'heure parlé du film de Godard. C'est un film où il y a le cinéma, la peinture, oui, le théâtre et la musique, et plutôt la musique classique. Je suppose que vous êtes professeur de musique, que vous avez une culture de musique dite classique. Oui, enfin je crois, j'espère. Comment vous... Et je crois que quand on s'est fait balance, vous m'avez parlé d'un problème spécifique avec l'Équateur de Beethoven. J'aimerais que vous reparliez de ça. Oui, oui. Dans le détail maintenant. C'est pas un problème spécifique. C'est que je me suis rendu compte que quand on écoutait des musiques de films, fût-ce des musiques classiques, on revoyait des images de films. Et quand j'ai réécouté des quatuors de Beethoven utilisés, par exemple, bon, je pense à Prénom Carmen ou bien à Une femme mariée, où il y en avait un certain nombre utilisés, je crois 5, je ne revoyais pas les images dessus. Et je me disais, mais finalement, Beethoven, c'est une musique tellement pure que Godard l'a utilisée parce qu'il pouvait... elle était tellement pure qu'il pouvait l'utiliser comme il voulait, finalement. Mmh. Et une fois sortie du contexte du film... Cette musique redevenait un quatuor de Beethoven, et c'est tout. Ça m'a énormément frappé. Mmh. Ça veut dire que le quatuor de Beethoven, ça existe en soi, ah et oui, ça ne fait pas articulation. Complètement. Ça ne renvoie pas à quelque chose d'autre. Et pourtant, quand il y a des quatuors de Beethoven utilisés dans les films de Godard, même quand il s'en sert d'un simple accord comme ponctuation, et jamais pléonastiquement bien sûr, eh bien, il se passe quelque chose. Et inversement, quelles sont les musiques, toujours en restant dans le classique, qui sont les plus articulables à autre chose, à de l'image? Oh, là, vous me posez une colle. Je sais pas, mais je pense que les musiques qui sont en tant que telles déjà des musiques descriptives, on s'est servi parfois de musique pour des publicités, je me rappelle de... Je crois que c'était la Moldo de Smetana pour l'eau des viandes. Bon, on ne peut plus entendre ça sans voir les images qu'il y avait là-dessus. Mmh. Bon, mais c'était peut-être dû à la manière dont la pub était faite aussi. Hein. Je ne sais pas. Oui. Mais par rapport à Godard et au quatuor de Beethoven, je pense que c'est la manière dont Godard utilise les quatuors de Beethoven. Je n'ai pas fait la même expérience avec les autres musiques qu'il utilise, mais je pense que c'est faisable. C'est aussi la manière dont Godard travaille l'image, le son et les rapports entre les deux. Mmh. Dans un numéro des Cahiers du cinéma qu'on avait fait avec lui, ça fait longtemps maintenant, qui était le numéro 300, il y avait tout un développement sur voir avec les mains. Ah, c'est fabuleux. Bon, c'était le problème du montage à l'époque, qui était oui, très... Oui. Et voir avec les mains, c'est devenu d'ailleurs très d'actualité, puisque à cause du télécommande, oui, il est possible maintenant, par ce qu'on appelle le zapping, d'articuler beaucoup plus rapidement qu'avec l'œil, d'accommoder ce qu'on voit et un simple mouvement du pouce. Est-ce que vous regardez la télévision? Oui, parfois, mais je regarde moins la télé que je ne vais au cinéma. Parce que le son est trop dérisoire. Parce que le son est dérisoire, parce qu'il faudra bien finir par dire un jour que le son télé est épouvantable, comme l'image télé d'ailleurs, et qu'on se demande bien ce que c'est que la télévision, puisque ça n'est plus ni vraiment de l'image, ni vraiment du son. Moi, je crois que c'est tactile. C'est possible. La télévision, c'est digital. Peut-être qu'il faudra que je m'en serve comme ça, alors. Là, je risque d'y trouver un intérêt. Parce qu'en tant qu'image, c'est que de l'image arrêtée, c'est-à-dire qu'il y a très peu de mouvement à la télévision, oui, et en tant que son, c'est un son sous-alimenté. Il n'y a rien de dynamique, finalement. Oui. Et c'est vrai que c'est ce qui me passionne, en tout cas au cinéma, c'est le mouvement, c'est la dynamique. Voilà, moi, ça m'a frappé récemment à la télévision. C'est fait d'images animées, mais c'est fait aussi beaucoup d'images fixes, ou de gens qui se tiennent sages comme des images, pour reprendre oui, également une métaphore godardienne, donc ils ne bougent pas, et à la limite, ils seraient... S'ils étaient... En image fixe, on serait inquiet, on se dirait peut-être qu'ils sont morts ou que c'est des effigies, donc on serait embêté. Mais s'ils bougent trop, on dit mais pourquoi ils bougent? Donc la télévision a inventé un art de presque pas bouger, qui est très proche de l'image fixe. Et puis le petit écran empêche que les mouvements, les grands mouvements du cinéma, les mouvements de grue, les grands démarrages soient aussi saisissants que dans une salle. Et du côté du son, c'est plus quelque chose de l'ordre du signal. Oui, mais pourtant, un plan fixe, ça peut être parfois extrêmement parlant. Je veux dire, bon, je crois que c'est Godard qui disait que le travelling était une affaire de morale. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je veux dire que des fois, un plan fixe est beaucoup plus parlant qu'un immense mouvement. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça dépend sur quoi il est fait. S'il est fait sur quelque chose d'inintéressant, il a beau être fixe, la chose reste inintéressante. Bien sûr. Donc, tout est lié. Oui, il y a un autre cinéaste qui est important pour nous, qui s'appelle Straub. Je ne sais pas si vous connaissez ses films. Très mal. C'est un peu dommage parce que... Mais oui, mais alors très mal, parce que Straub, il a un gros problème pour moi, c'est qu'il filme en allemand. Alors bon, je vais poser un autre problème. Ou des fois en italien. Oui. Non, des fois en français, ça lui est arrivé. Ah, alors, il faudra m'indiquer lesquels. Là, c'est un manque de culture, c'est très net. Bon, mais en tout cas, se posent les problèmes de, pour moi, de tout ce qui est VO. C'est-à-dire que, bon, j'ai appris l'italien pour le cinéma. Bon, ça, ça marche. L'anglais, ça marche encore à peu près. Il va falloir que j'en refasse encore un peu. Mais les autres langues, j'ai... l'espagnol aussi, ça marche très bien. Mais bon, il va falloir que j'apprenne, je sais pas, le chinois, le japonais, l'allemand mieux que je ne le parle. Parce qu'autrement, ça m'oblige à voir un certain nombre de films doublés, et c'est l'horreur, vous allez crier au scandale. Mais c'est ça ou ne pas les voir du tout. Mmh. Or, les doublages sont très mal faits, là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Mais Straub, bon... Non, Straub est intéressant pour une raison très simple, c'est que c'est un adepte absolument radical du son direct. C'est-à-dire que pour lui, il ne faut pas couper l'image d'un corps, de la place où est la caméra et du son par rapport à cette place. Et que donc, par exemple, dans un film de Straub, lorsque quelqu'un a quitté le champ visuel mais continue à marcher, on entend ses pas hors champ. Mmh. Ou inversement, s'il va rentrer dans le champ, on l'entend arriver avant qu'il ne vienne, ce qui est tout à fait conforme d'ailleurs à l'expérience de la vie réelle. Ça choque beaucoup les gens qui disent aimer le cinéma. C'est une expérience inversement, à mon avis, de réalisme totalement... de réalisme audiovisuel, ouais. Totalement radical. C'était le seul qui filmait de telle façon que vous puissiez suivre encore mieux mais le film. Oui, bon, sûrement, il faudra que je le vérifie. Mais des fois, c'est pas grave, je veux dire, quand les sons ne suivent pas ce qui se passe. Parce qu'il faut travailler. Bon, je veux dire, on va en revenir à Godard, qui est un grand travailleur de l'image et du son. Godard, il m'a appris une chose, il m'a appris à travailler. Ça, c'est très important, avoir une attitude de travail par rapport à un film. Tant mieux si c'est très clair, comme vous le dites pour Straub, mais tant pis si ça ne l'est pas. Mmh. C'est pas grave, je veux dire, il faut avoir, enfin, pour moi en tout cas, hein, j'en fais pas un dogme, bien sûr, mais il faut avoir une attitude active par rapport à un film. Mmh. On ne peut pas rester passif, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment le seul cinéma qui m'intéresse, le cinéma, où j'ai besoin de travailler, où j'ai besoin d'être active. Bien sûr. Où j'ai besoin de participer, finalement. Mais c'est vrai que, par rapport au réalisme, ce que vous me décrivez est tout à fait passionnant. Mmh. Et alors, inversement du réalisme, les cinéastes qui réinventent totalement le son avec des bruitages, avec tout le travail de laboratoire, disons Tati, mmh, ou Fellini, comment vous vous débrouillez avec eux ? Ah ben Fellini, je me débrouille à peu près bien. Tati, un petit peu moins bien, je dois le dire. Mais Fellini, je me débrouille assez bien. Alors bon, Fellini, je suis loin d'aimer tout. Hein. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Intervista. Mais il y a des films que je n'ai pas du tout aimé. Mais je m'en débrouille assez bien. C'est-à-dire que... Mais il y a un code, finalement, chez tous les cinéastes. Oui, c'est ça qu'il faut savoir. C'est que les premiers films que je vois d'un cinéaste, je suis complètement perdu. Et puis, au bout d'un moment, on s'habitue. Il y a un code. Mmh. Alors, ce code ne fonctionne pas toujours. Et encore une fois, je m'excuse d'y revenir, mais si on revient à Godard, ce qui m'intéresse avec lui, c'est que il me surprend tout le temps. Je me dis, ça y est, qu'est-ce qu'il va encore faire? Et c'est vrai, il a fait quelque chose de nouveau. Mmh. Bon, mais chez Fellini... Même s'il y a souvent du nouveau, je ne suis pas... Il y a un peu un système. Il y a un peu un système, oui. Donc et ça y est, ce système, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé à force de voir des films. Bon, il faut dire aussi que je vais souvent revoir des films. Il y a énormément de films que j'ai vus plusieurs fois. Mm-hmm. Donc je pense que ça m'aide. Et vous êtes comme dans un labyrinthe que vous connaissez de mieux en mieux ? Oui. Je cherche le fil d'Ariane, parfois je le trouve, parfois je ne le trouve pas. Et ça produit quoi ? Ça produit du plaisir, de la jouissance ? Ah oui, ah, une jouissance extrême. Ah oui, vraiment. Je suis allée revoir À bout de souffle très récemment, et c'était un plaisir renouvelé, parce que je me disais, ça y est, j'ai encore trouvé autre chose, et j'étais très très contente. Parce que, bon, c'est sûr que... Ben, chaque millimètre d'avance, enfin chaque millimètre vaincu, c'est une victoire tout simplement. Mmh. Une victoire sur l'inconnu. Mmh. Parce que vous parlez beaucoup de Godard et là vous, en fait vous... Oui, trop peut-être. Non, pas du tout, parce que Dieu sait s'il est important pour moi aussi. En fait, vous réalisez dans le réel quelque chose qu'il a toujours dit dans ses discours, c'est-à-dire que le cinéma n'était pas donné, ni l'image, ni le son, et que... il fallait être toujours plus éveillé, c'est-à-dire toujours plus dans un état d'urgence ou moins d'éveil, pour au moins faire ce travail d'hygiène de la perception. Quand on voit un film de Godard, on n'a pas tout aimé, ni tout compris, et, bon, loin s'en faut, mais c'est comme si on avait pris une bonne douche froide, et après on ne peut plus regarder plein d'autres films. C'est vrai, j'ai beaucoup de mal parfois après une série de films de Godard. Après Valence, où j'en avais vu beaucoup, j'ai fait une semaine de diète cinématographique et je n'ai pas pu aller voir un seul film. Mmh. Et je suis ravie de savoir qu'il dit la même chose que je ressens, parce que pour moi, c'est fondamental, c'est vraiment vital. Mmh. Oui, c'est ça que je voulais dire, ça veut dire que c'est quelqu'un qui... à peu près seul maintenant d'ailleurs, n'arrête pas de faire du cinéma, et en tout cas de parler du cinéma, comme si des gens en avaient un besoin vital. Oui, mais moi... Ce qui d'ailleurs le rend très isolé et paradoxal, puisque les gens ont envie de cinéma, mais n'en ont peut-être plus autant besoin qu'avant. Moi j'en ai à la fois besoin et envie, donc ça me satisfait totalement. Tout à l'heure, vous parliez des versions doublées qui étaient horribles. Comment vous sentez qu'une version doublée est horrible, ou est-ce que toute version doublée est horrible? Ah non, pas du tout, pas toutes. Il y a des versions doublées très bien faites. Bon, je ne saurais pas vous donner d'exemple. Ah si, L'insoutenable légèreté de l'être, c'est très bien doublé. Mais oui, non, pas toute version doublée n'est pas épouvantable. Mais je le sens parce qu'il y a des décalages, parce que je sens que la voix n'est pas la bonne, bien placée, que parfois les images sont en décalage, mais pas un décalage voulu, oui, hélas, par rapport au son. Si ça, c'est tout à fait perceptible. Bon, je ne saurais peut-être pas vous l'expliquer aussi clairement que je le souhaiterais, mais c'est tout à fait perceptible. Et moi, ça me rend folle de rage, parce qu'il y a des films... que je ne peux pas aller voir à cause de ça, ou que je vais voir, mais en sachant que j'en perds encore plus que d'habitude. Moi, par exemple, je me souviens du premier film japonais que j'ai vu de ma vie, qui était Les Contes de la Lune Vague de Mizoguchi. Oui. Ça fait donc très longtemps, et j'en suis resté, comme on dit, sur le cul, il n'y a pas d'autre mot, parce que je me rendais compte que les corps que je voyais bouger assez étrangement... qui rampait beaucoup, qui se mouvait au niveau du sol, et la langue japonaise que j'avais jamais entendue, était absolument indissociable, et que j'avais jamais pensé que l'être humain pouvait bouger et parler comme ça. Mais c'est une langue à laquelle, évidemment, je ne comprenais rien. Mais moi, j'avais fait une expérience avec Barberousse. J'ai un ami... un très beau film. Ah oui. J'ai un ami qui avait accepté, très courageusement, très héroïquement... De passer les 3 heures du film à côté de moi et de me lire tous les sous-titres. Donc j'avais à la fois la langue japonaise et ce qu'il m'était lu, très doucement pour ne pas gêner les autres spectateurs, parce que évidemment, bon, ça c'est sacré. Et là, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait fabuleux. Mais bon, je ne trouve pas forcément toujours quelqu'un décidé à faire ça, et je le comprends parfaitement. Et voilà, donc il y a des films dont je suis malheureusement privée, mais bon, je ne désespère pas d'apprendre le japonais. De toute façon, bon, je me rends compte que là-dessus, tout le monde est sacrément gêné, parce qu'à Valence, quand on a regardé la cassette que Godard avait envoyée, Meeting Woody Allen, bon, il y avait des tas de gens qui ne comprenaient pas l'anglais et que ça a gêné terriblement. Moi, ça ne m'a pas gêné parce que je comprenais à peu près ce qui était dit, mais c'est vrai que dès qu'il n'y a plus les sous-titres, les gens sont complètement perdus. Ce qui est plus grave, c'est que les gens ont même oublié que sans comprendre la langue, on peut au moins en écouter la musique. Absolument. Chaque langue a sa musique particulière. Bien sûr, et la musique des mots, ça joue complètement. Moi, je sais que, par exemple, un peu comme vous, j'ai appris l'italien à force de voir les films italiens. Eh oui. Et le japonais, je ne le parle pas, mais je sais intuitivement quand est-ce qu'une phrase va finir. Bien sûr. Parce que moi aussi, les gens prennent leur souffle de telle façon que... Vous devez entendre ça, vous le... Ah, tout à fait. La façon dont l'acteur prend son souffle, bien et on sûr. Se dit, il en a pour 20 secondes, absolument, pas plus. Absolument, absolument. Et c'est fabuleux, parce que c'est vrai qu'on a un peu l'impression de comprendre la langue. Ouais. Mais moi, j'ai envie d'approfondir ça, parce que, bon, c'est pas suffisant. Il faut toujours aller plus loin. Est-ce que, par exemple, toute la musique d'opéra ou d'opéra moderne, ça vous aide? Ça aussi, c'est un peu scénique et narratif. Parfois, pas toujours. Vous pensez à quoi, précisément? Je sais pas, parce qu'hier, j'écoutais comme ça, je dis ce qui me passe par la tête, de Jana Tchèk. Alors moi, je parle pas tchèque. Et puis je me demandais ce qu'il y avait dans cette langue, quoi. Oui, ça m'aide parfois, mais pas toujours. Ça ne fonctionne pas toujours, quand même. L'idée que vous n'avez pas vu les films muets, par définition, ça vous rend triste? Oh oui, très. Parce que s'il y a un piano dans la salle, ça ne joue pas du tout le même rôle. Non, c'est épouvantable. Bon, j'avais été, je crois, c'est il y a 2 ans à Avignon, où on passait Intolérance avec un orchestre, de la musique épouvantable. C'était atroce. Là aussi, j'avais une amie qui, tout aussi héroïquement que le premier cité, m'avait lu tous les sous-titres, et ça, je rends hommage autant à l'un qu'à l'autre. Mais bon, non, il s'était rien passé. J'étais sortie de là, épouvantablement en colère. Qu'est-ce que ça veut dire de sonoriser les films muets? Ça n'a aucun sens, franchement. Tant pis, c'est une chose dont je serais privée, et bien tant pis. Je l'accepte. Et le fait de ne pas pouvoir beaucoup discuter des films que vous voyez avec des gens, ça vous embête? Mais j'en discute quand même. J'en discute à condition que les gens voient les mêmes que moi. Et est-ce que vous apprenez des choses à partir de ce qu'ils vous disent? Parfois. J'espère qu'ils en apprennent aussi à partir de ce que je leur dis. Oui, je crois que dans ce sens-là, c'est plutôt évident. Bien sûr que j'en apprends. Bien sûr, et j'accepte tout à fait d'en apprendre, au contraire. Si, j'en discute, mais c'est vrai que le type de film que je vais voir, je ne trouve pas toujours des gens avec qui en discuter. Parce que là, je suis devenue peut-être un peu trop exigeante. Est-ce que vous croyez, enfin comme ça, une idée en l'air, que la partie sonore du cinéma, ou la partie parlante du cinéma plutôt, ça va encore se développer, ou est-ce qu'on n'est pas arrivé, ce que moi je pense des fois, à une sorte de limite? Est-ce qu'il n'y a pas dans le cinéma quelque chose comme une volonté de revenir au muet, c'est-à-dire des images très, très décoratives, très sophistiquées, et puis quelque chose de sonore? Mais sonore, un bain sonore, comme dans les clips, par exemple. Mais oui, mais ça, c'est très... Oui, je pense la même chose que vous, et je trouve ça... Le cinéma que vous aimez, c'est un cinéma où on parle, réellement, aussi. Aussi, mais soyons clairs, je n'aime pas les films bavards, bien sûr. Enfin, trop bavards, parce que ça n'aurait plus aucun sens. Un film de Romère, par exemple, pour vous, c'est trop bavard? Ça dépend lesquels. Il y a des films de Romère que j'ai vraiment adorés, il y en a d'autres que j'ai... Mais non, mais ce n'est pas Romère que je pensais en parlant de films bavards, bien évidemment, non. C'est à des films, je sais pas, français ou américains mal faits. Bon, on va pas être méchant, on va pas citer de nom. Mais les films où vraiment le son paraphrase l'image, qui elle-même paraphrase les bruitages. Enfin bon, Quand tout va dans le même sens, c'est que ça devient monotone, quoi. Tout à fait. Non, je pense comme vous qu'on va en venir à une espèce de limite, effectivement, et qu'il va y avoir des images. Et puis des sons, mais alors est-ce qu'on va recommenter à nouveau l'image par les sons? Ça serait vraiment très très triste. Parce que moi, je pense qu'on ça serait la fin du cinéma, alors. Je pense qu'on va boucler une boucle, c'est-à-dire que d'abord, le son a été plutôt pléonasmatique, ensuite on a travaillé toutes sortes de décalages, et on est en train de revenir à deux bandes parallèles, une bande image et une bande son, et là, il n'y a plus de question de décalage, il y a une question de bien choisir au début tel type d'accompagnement. Alors, il y a l'accompagnement image, il y a l'accompagnement son, on ne sait plus qui accompagne qui, et ça marche ensemble. Et là, on est très perdu, et pas seulement vous, moi aussi, on est très perdu, parce que ça ne joue pas sur la perception, ça joue plutôt sur la programmation. Oui, sur des choses extrêmement techniques qui ne jouent pas avec l'émotion. Voilà. Bon, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est quand même l'émotion. C'est la rigueur et c'est l'émotion. C'est l'émotion qui naît de la rigueur. Le reste, bon. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore vues au cinéma? Bien sûr. Il y en a des quantités. J'ai l'impression d'être un tout petit enfant par rapport au cinéma. Il y a des tas de choses que je n'ai pas vues. Et, bon, d'abord, en quantité, mais en qualité également. Il y a encore des choses que je n'ai pas réussi à percevoir. Et je travaille pour les percevoir. Je retourne voir les mêmes choses. Quand je vois quelque chose qui m'a frappé, j'y retourne quelque temps après. Quand j'ai vu un film, où là j'ai été obligée de voir par exemple un film en version doublée, je retourne le voir après en VO, bien évidemment. Ça va sans dire. Donc je travaille pour trouver ce qui me reste encore à percevoir. Et il y aura toujours des choses qui me resteront à percevoir, mais heureusement, autrement, qu'est-ce que je ferai? Bien sûr. Écoutez, je pense qu'on a quand même parlé de pas mal de choses. Il se trouve que l'émission est quasiment terminée. Bon, ça a l'air un peu gnangnan de dire ça, mais enfin, on aimerait bien que les spectateurs de cinéma se rappellent que le cinéma, c'est aussi... Enfin, c'est avant tout, et ce sera d'ailleurs, à mon avis, de plus en plus son rôle par rapport aux médias. Ça éveille la perception, ça fait travailler la perception, et c'est bien de mieux regarder, même si on commence par mieux écouter, et puis de mieux sentir, et d'avoir un corps qui fonctionne bien, même à partir de limites, quelles qu'elles soient. Donc merci Odile Converset. Merci. Vive Godard, évidemment. Et vive le cinéma. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 5 juin 1988.